Salam, man la Madi. Comme d'habitude, hein, nulari, munuma len baye. Donc, il y a Aziz Lawon, quoi, ben nulari. Nulari, bon moun konde. Ben jour, na cours calcul. Pof neko, 2 moins 2, Aziz ne. Retan. Prof neko, Aziz 2 moins 2, Aziz top de ko hol. Les profs réfléchir, di out moyen, ak xamul lan lay def. Mon neko, Aziz, lan nga bëgg gëna bëgg? Mon neko, man, bañé. Prof ne ko wa legi Aziz ma may la ñaari beñe legi man nga war ñaari beñe lan mo lay déssé Aziz ne ko ah diwlin bi